c'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature, le nez au vent. Mais maintenant, quel est le programme? Respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en. Eh bien, moi, je plonge. Et voilà, c'est reparti pour un tour. C'est la prof de sciences physiques que l'on aurait tous rêvé d'avoir. En 35 ans de carrière, Christiane Mordelet a emmené avec elle en voyage près d'un millier d'élèves. En plein désert de Gobi, elle a fait travailler des classes sur le Big Bang au Groenland. Elle a donné des cours sur le pôle Nord magnétique et le pôle Nord géographique. Elle est aussi allée installer avec des lycéens un réfrigérateur solaire qu'elle avait construit avec eux dans un village de l'ancien Zaïre. Au cours de ses nombreux voyages, l'enseignante a appris à filmer. Elle est aujourd'hui retraitée de l'éducation nationale, mais elle continue de réaliser des films sur l'éducation et la jeunesse à travers le monde. Plusieurs de ses documentaires ont été primés. C'est le cas notamment de Grandir au Ladakh, récompensé lors du festival Objectif Aventure en janvier dernier. Aujourd'hui, Christiane Mordelet vient nous raconter sa vie de prof et de réalisatrice baroudeuse. Et puis en fin d'émission, comme tous les lundis, Éric Birloez nous racontera l'histoire d'un aliment qui a beaucoup voyagé avant d'arriver sur nos tables. Nous irons aujourd'hui sur les routes de l'abricot. Voilà pour le menu de la deuxième partie de notre bivouac. J'aime bien, c'était assez petit et ça permet de partager avec les autres. Comme ça, on apprend à ne pas prendre toute la place, à penser aux autres. D'être avec les autres, ça permet de partager. Ça. Le mot des Mongols, ça serait partager. Quoi. C'est... Le mot des Français, ça serait plutôt gagner, mais le mot des Mongols, ça serait partager. Des fois, les parents, quand ils parlaient le soir, j'avais l'impression que c'était mes parents qui parlaient. Même si je ne comprenais pas, c'était la même ambiance. C'était assez agréable. Des chants mongols, et nous avons entendu la voix d'une des nombreuses élèves qui est partie avec vous, Christiane Mordelet, dans le cadre d'un voyage scolaire. Vous êtes allée dans le désert de Gobi, c'est ça, avec ses élèves. Quel souvenir ça doit être? Oh ben c'est fabuleux, ils sont restés donc 3 semaines tout seuls sous la yourte dans des familles mongoles dont ils comprenaient pas un traître mot, et les familles mongoles ne comprenaient pas le français, donc ce qui fait que a priori ils étaient perdus. Et justement la petite Célia, donc vous avez choisi l'interview, la petite phrase là, elle était extraordinaire et je l'ai retrouvée presque 25 ans après. Cette gamine-là, en plus, elle avait dit quelque chose d'extraordinaire encore. Elle avait dit, oui, de temps en temps, là, c'est bien parce qu'on vient de parler des langues. La langue française, elle était du Midi, avec un petit accent du Midi. La langue française, elle me manque un peu. Alors, le soir, avant de m'endormir, je lis les recettes de Roi Comine de soupe qui sont écrites sur les soupes en sachet. Et ça me fait comme si quelqu'un me parlait en français. Et donc, elle se contentait de lire. Enfin, je trouve qu'elle était extraordinaire. Et on a repris contact. C'est une fille extraordinaire qui fait du basson. Donc, il y a déjà pas beaucoup de femmes qui font du basson en tant que professionnelle. Elle a plus de 30 ans maintenant. Et ça, elle voulait rejoindre sa choresse. J'ai réussi, sa correspondante. J'ai réussi à retrouver sa correspondante, qui est la seule femme qui fait du chant diphonique en Mongolie. Et elles sont en train de se préparer toutes les deux, l'une avec le conservatoire de musique et l'autre avec un grand groupe de théâtre de Oulan-Bator, un concerto pour basson et chant diphonique. Ouais. Ça, c'est des histoires extraordinaires. Quoi. Alors vous, en plein désert avec ces élèves, vous avez fait par exemple, en plein désert de Gobi, un cours sur le Big Bang. Ça doit être des expériences, je pense, ça doit être des cours qu'on n'oublie pas d'avoir eu ils un cours pas. Dans ce décor, dans ils ce décor-là. Pas. Non, non, ils s'en rappellent. Ils me disent, tu te souviens quand on a fait le cours? Surtout qu'il y avait les loups qui ululaient derrière. Alors, de temps en temps, on avait aussi un accordéoniste, donc il mettait un petit peu de musique. Et puis, les cours, parce que on était coincés, donc on s'est mis dans les dunes et on a dormi à la Belle Étoile. Et quoi de plus extraordinaire sous le ciel, faire un cours sur le Big Bang, quoi. Si parmi les auditeurs d'aujourd'hui, il y a des élèves que vous avez eus dans les années 80, 90, qui gardent un souvenir de ces cours, qu'ils n'hésitent pas à nous envoyer un message pour nous dire ce que ça a changé ou ce que ça leur a apporté. Un message sur la page du Temps d'un Bivouac sur franceinter.fr ou sur la page Facebook s'ils ont Facebook. Puis on vous transmettra tout ça parce qu'il doit y avoir du monde que ça concerne et peut-être parmi nos auditeurs. Alors la Mongolie, ça n'est qu'un exemple parce que vous avez fait de nombreux voyages avec vos élèves. Donc vous étiez prof de sciences physiques au Groenland. Au Groenland, vous avez fait un cours sur la différence entre le pôle nord magnétique et le pôle nord géographique. Et oui, là parce aussi, qu'on sert d'une boussole. Si on veut faire une course d'orientation au pôle nord, c'est un petit peu délicat, quoi, parce que si on est au pôle nord magnétique, on risque pas de s'orienter. Donc, il fallait mesurer différemment, et ça a été aussi un grand moment, ça, avec les profs de gym. On leur a fait faire une course d'orientation. Ça a été fabuleux. Et je sais plus si c'est à cet échange-là ou au suivant que pendant la course d'orientation, on a rencontré des Inuits qui venaient de chasser un ours polaire, une maman ours avec son bébé. Et ça, les jeunes ont été d'abord choqués parce qu'ils ont vu le dépeçage de l'ours. Puis ils m'ont dit, bon, bah, faut accepter parce que grâce à ça, ils vont pouvoir manger pendant peut-être un mois. Tout le village va pouvoir manger pendant un mois. Donc, voilà. Mais ça avait été dur pour eux de voir la maman ours tuée et le bébé ours aussi, quoi. On imagine les élèves, les collégiens ou lycéens de retour dans leur collège et dans leur lycée racontant ce qu'ils avaient vécu avec vous. La première chose qu'ils ont dit à leurs parents, maman, elle nous a fait dormir par moins 40 sur la banquise à la Belle Étoile. Ça vous a valu des problèmes parfois? Est-ce que vous faisiez faire assez? Non. Avec l'administration, oui, mais pas avec les parents d'élèves. Ouais. Les parents ont toujours été partants pour... Oui. Ben, ils étaient prévenus, bon, on leur disait qu'il y avait des risques, etc. Surtout sur le plan relationnel et un petit peu affectif, parce que les Groenlandais démarrent leur relation sentimentale à l'âge de 12 ans. Donc les gamins qu'on avaient une douzaine d'années. Mais sinon, en dehors de ça, non, ça c'est extrêmement... C'était vraiment fabuleux. Alors vous avez dit, je l'ai pas laissé passer, vous avez dit avec l'administration, oui, on aura l'occasion d'y revenir, mais restons quand même dans le rêve et l'enthousiasme, on verra... Ensuite, pourquoi parfois l'administration vous a posé des problèmes? Le premier voyage que vous avez fait, le premier voyage scolaire, c'était au Zaïre, donc l'actuelle République démocratique du Congo. C'était en 78-79. Oui, quelque chose comme ça, oui. Et là, vous partez, alors là aussi c'est une très belle aventure, vous construisez avec la prof de techno et puis des lycéens de seconde un réfrigérateur solaire. On peut faire un réfrigérateur solaire? Oui, ça marchait bien. Moi j'avais fait un stage chez Elf. Ouais. Et puis j'avais appris justement à faire travailler en énergie solaire et tout ça. Donc j'avais appris un certain nombre de techniques. Et puis donc on a mis ça au point avec les élèves. On l'a emmené, ça a été fabuleux. On a déposé un brevet dans le cadre de nos fonctions. Ouais. Et j'ai été la première prof à déposer un brevet dans le cadre de ses fonctions. L'Éducation nationale ne savait pas quoi faire de ça. Oui, c'est-à-dire que, en fait, non seulement vous l'avez mise au point, mais vous n'êtes pas contenté d'appliquer une petite fiche qui existait. Vous avez vraiment développé système avec vos élèves. Oui, avec les élèves, avec les élèves de seconde. Et donc, ça a été, on a emmené le réfrigérateur solaire là-bas. Et puis il a fonctionné, on avait fait des glaçons, etc. Et donc après au retour, le problème c'est qu'est-ce qu'on fait d'un brevet dans l'Éducation nationale, quoi. Ah oui, alors qu'est-ce qu'on en a fait de ce brevet? Qu'est-ce qu'on en fait? L'Éducation nationale a couvert le brevet pendant 2 ans. Et puis au bout de 2 ans, il est tombé dans le domaine public. Et là j'avais été contactée par Monsieur Mérieux, le grand responsable qui m'a invité au Sofitel. Ah bon. De Lyon. J'avais jamais été invité au Sofitel. Et qui m'avait proposé de déposer un brevet aux États-Unis pour échapper à la loi française. Et moi, j'ai eu tellement peur que j'ai refusé. Ah oui, d'accord. Oh, non, j'ai dit, oh là là, moi, pas faire quelque chose de, dans les normes, pas bien comme il faut, c'était pas possible. En tout cas, ce réfrigérateur, c'était pas du luxe, c'était pour ce village africain. C'était pour conserver les vaccins. Pour conserver les vaccins. Donc, vraiment, là, on se dit, pour les élèves qui vous ont accompagné dans cette aventure, tout y est, parce qu'on a effectivement la techno, il a fallu développer ce réfrigérateur. On découvre un pays. Et puis on voit aussi les problèmes de santé très concrets qui peuvent se poser à l'autre bout du monde. Et puis les rencontres et toutes les modes de vie, parce que c'était des élèves de seconde, il y en a plein qui sont tombés amoureux des filles de là-bas. Enfin, oh là là là là, ça aussi il faut gérer. Ça aussi vous vous en occupiez, vous? Oui, fallait bien. Ouais. Y compris moi d'ailleurs, qui étais invité par le roi des Tchokwe, qui voulait faire de moi, donc il régnait sur une petite ethnie de 2000 personnes, il voulait faire de moi sa première femme européenne. Vous avez refusé? J'ai refusé, ça a été très difficile. Mes élèves m'attendaient du coin de l'œil puisqu'ils savaient qu'il allait venir pour me demander en mariage. Ils venaient avec une poule. Quand ils ont entendu arriver la poule, m'ont dit « Christiane, c'est ton tour ». C'est incroyable les histoires que vous avez vécues avec vos élèves. Vous avez beaucoup travaillé sur les énergies solaires. Hein. Ça, c'était vraiment l'un de vos de vos centres d'intérêt, on va dire. Vous avez développé aussi des fours solaires. Vous êtes d'ailleurs un peu une précurseuse de ce que l'on nomme aujourd'hui les low-tech, ces technologies douces. C'est un courant que le jeune aventurier Corentin de Châtel-Perron tente d'explorer aux quatre coins du globe. Ici, on le découvre sur le toit d'un pays d'Afrique. Il y a combien de miroirs ? Il y a 11 000 miroirs. Wow, et ça a pris combien de temps de... Un an. Un an d'ajuster tous les miroirs ? Oui, on devait travailler la nuit pour ne pas finir grillé. Nous voulions quelque chose de low-tech. Ça ressemble à du high-tech, mais c'est low-tech. Chaque miroir a été posé à la main, un par un. Donc c'est vraiment low-tech. Et le capteur, c'est juste de l'eau qui passe dans un tuyau. Il y a combien de personnes qui mangent tous les jours dans la cantine ? La cuisine fait environ 1000 repas. La plupart, c'est pour les élèves. C'est un système hybride, on a des brûleurs à diesel et des brûleurs solaires. Et ils fonctionnent ensemble. Je pense que pendant les jours de soleil, le bol solaire produit un tiers de l'énergie. Ah, okay. Il faudrait qu'il soit grand, si c'est... Deux fois plus grand. On produit environ 60 kWh d'énergie solaire, comme 60 fours à gaz. C'est comme avoir 60 bouilloires gratuitement, en fait. Ouais. Nous étions en Inde et non pas en Afrique, comme je l'ai dit, en Inde, à Auroville, à côté de Pondichéry. Et vous aussi, Christiane Mordelet, vous êtes allé. Alors ça, c'est tout récent, hein, l'expérience de four solaire que l'on vient d'entendre. Mais vous, comme je le disais, vous étiez une précurseuse. Et déjà à l'époque, vous aviez le sentiment que avec ces technologies simples, on pouvait aider certaines régions. C'était en Inde, dans le Ladakh, une des régions du globe que vous connaissez le mieux. Ben, après, j'y suis retournée plein de fois. Mais la première fois, effectivement, c'était pour installer des cuiseurs solaires, des cafetières solaires, des douches solaires, des chauffe-eau solaires, etc. Et puis des murs-trombes, les premiers murs-trombes. Donc j'ai fait partie de ceux qui ont été deux à l'époque à installer des murs-trombes. C'est quoi les murs-trombes? Donc c'est ce qui a été fait là dans les Pyrénées. C'est Monsieur Trombe qui a inventé ça. Bon, c'est tout simple, hein. On met une glace et puis derrière un mur peint en noir. Et donc la chaleur est piégée. Et après on met un système de circulation d'air. Le problème c'est que quand on a mis ces premiers murs trombes au Ladakh, les gens du coup à l'intérieur avaient des températures qui étaient supérieures à zéro. Ça c'était dans les années 80. Mmh. Et il y a un vieux monsieur qui nous a dit « Oh oui, mais maintenant avec ces murs trombes c'est bien, on a chaud, mais on est beaucoup plus malade. » Parce que du coup les petites bactéries et les petits virus, ils étaient contents. Parce que sinon avant ils avaient moins 10 dans les maisons. Tandis que là, il montait à plus 12, plus 15. Et du coup, ça posait des problèmes au niveau... voilà, c'était les premiers effets, side effect de l'énergie solaire. C'est intéressant parce que plusieurs fois, vous le dites, en voulant aider, en pensant à apporter les bonnes solutions, on se rend compte que bah, finalement, des fois, avec plein de bonnes intentions, on n'arrive pas à ce qu'on voulait. Je me suis fait très remonter les bretelles par le directeur de l'école où on avait fait des cuiseurs solaires. Il marchait bien, donc on avait des températures de plus de 100 degrés à l'intérieur, 120, 130. Et je lui dis, ben on va cuire des pommes, parce que moi j'avais envie de faire des pommes au four, j'adore ça. Et quand j'ai commencé à cuire les pommes, le directeur de l'école était scandalisé. Il est arrivé, il m'a dit, mais arrête immédiatement. Puis je lui dis, ben quoi, je fais des pommes au four? Il dit, oui, mais enfin, ça, on voit bien que tu viens des pays où on gaspille tout. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben oui, mais nous, on n'a pas suffisamment de vitamines pour se permettre de les cuire. Ouais, parce que quand on cuit une pomme, on enlève une partie retire une partie des vitamines. Au-delà de 120, 130 degrés, certainement, il y a quelques vitamines qui disparaissent. En tout cas, eux ne font que sécher et ne font pas cuire. Depuis, ils le font. Parce qu'on arrivait avec nos confitures et tout ça. Mmh. Et là, d'un seul coup, je me suis senti comme sous une douche froide. Alors que j'étais fier de ce qu'on avait fait. Ouais. Et pareil avec, je sais pas si j'ai le temps de raconter, avec la bergerie. On a fait donc récemment, puisqu'avec notre film La Bergère des Glaces, on a eu des petits sous, on a pu aider des bergers. Et les premières bergeries qui nous ont demandé d'aider à construire, on a voulu les faire en solaire. Elles étaient hyper étanches. Dedans, il faisait 12 degrés quand il faisait moins 30 dedans. Donc on avait tout bien calorifugé, calfeutré, etc. Et les bergers, on leur dit, alors vous êtes contents? Moi, j'étais heureuse. Je me disais, ça, tout va être merveilleux. Et puis ils me disent, oui, c'est bien pour le petit déjeuner, le repas du soir. Ben, je dis, et la nuit? Ah ben non, la nuit, on dort dehors. Alors souvent quand je fais des conférences, je dis c'est la question à 10 balles. Pourquoi est-ce que... Alors les gens me disent parce qu'ils ont trop chaud. Ben non, parce que les bergers, le loup, comme vous le savez probablement, le loup il n'arrive à pas de loup et le léopard il n'arrive à pas de léopard. Donc dans une maison solaire complètement étanche, complètement insonorisée, ils n'entendaient pas le loup arriver. Donc ils dormaient dehors alors qu'il faisait 12 degrés et du coup ils ont cassé les doubles vitrages. Christiane Mordelet, professeure de sciences physiques à la retraite et réalisatrice de documentaires, toujours en activité, nous emmène dans ses aventures le temps d'un bivouac sur France Inter. I know that I got bad habits. Trying to find a balance, I'm in the store like I wanna have it, I gotta have it. You are not the toughest or baddest, my pet is the maddest. I'll probably end it for bruise and it's never right, I'm honest. Gas never lane, even on 10, and still they can't manage. They think I'm a shy one, like Narsings won't flip. But when I switch, then they wanna say that I'm a b- C'était Offense, Little Sims sur France Inter. Je pense que notre monde moderne connaît beaucoup de problèmes. Économique, politique. Et que la clé de tous ces problèmes réside dans la réalisation, dans l'unité de chaque être humain. Nous sommes tous les mêmes êtres humains. Regardez les membres d'une même famille. L'un est grand, l'autre petit, l'autre est gros, l'autre mince, mais ils font partie de la même famille. C'est un peu ça, vous voyez. Nous sommes tous des êtres humains, tous les mêmes, n'est-ce pas ? Christiane Mordelet, ancienne enseignante de sciences physiques qui a fait voyager près d'un millier d'élèves dans le monde et qui est aujourd'hui réalisatrice de documentaires, est notre invitée. Christiane Mordelet, est-ce que vous avez reconnu la voix de la personnalité que l'on vient d'entendre ? Oui, avec ses intonations, ça peut être que le Dalai Lama. Ouais, alors ça vous rappelle certainement quelques souvenirs parce que vous l'avez rencontrée, oui, là encore avec des élèves. Nous avec étions élèves. En 1987. 87. Il vous a accordé 2 heures. Qu'est-ce que vous vous êtes raconté ? Ça a été 2 heures de très très grands très grand moments pour mes élèves. Sur le coup, je crois qu'ils ne sont pas réalisés ce qu'ils étaient en train de vivre, de pouvoir poser chacun une question sur sa vie, sur sa réincarnation, est-ce qu'il voulait se réincarner. C'était en 87, il n'avait pas encore eu le prix Nobel de la paix. Mais maintenant, ils se rendent compte quoi, de ce que ça... C'est... Ils m'ont dit, mais c'était un moment extraordinaire. Et il y a eu plein de petits... Alors, il y a eu quelque chose de très drôle, c'est que je leur avais dit, bon, vous rencontrez le Dalai Lama, c'est pas n'importe qui. Donc, il faut que vous arriviez avec les traditions tibétaines. Donc, on avait appris à remettre la katak, la fameuse écharpe blanche. Et donc, comment on doit lui remettre, et ensuite, comment on repart en marche arrière sans rentrer dans les meubles qui sont derrière. On avait fait une répétition. Et donc, mes premiers élèves arrivent pour remettre la katak, et le Dalai Lama les prend dans ses bras et leur fait 2 gros bisous bien sonnants sur les joues. Mes élèves, Christiane, qu'est-ce qu'on fait? Et le Dalai Lama qui rit, et qui dit, bah, c'est pas comme ça que vous faites en France, vous vous embrassez pas comme ça. Chacun avait révisé les coutumes de l'autre. Voilà. Et résultat, mes pauvres élèves savaient plus quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Et après, il nous a dirigé, on va prendre le thé ensemble et posez-moi des questions. Et ça a été un grand, grand moment. Ouais. Un autre moment fort que vous avez vécu avec vos élèves, ils sont souvent ancrés dans l'histoire. Nous étions cette fois en 1984 et vous aviez prévu une rencontre avec Indira Gandhi, ancienne première ministre de l'Inde, mais ça ne s'est malheureusement pas passé comme prévu. Et non, et là ça a été... Bon, moi j'avais eu la chance de la rencontrer 2-3 fois. C'est une femme que j'ai toujours énormément appréciée, même s'il y a eu des petites choses dans l'histoire qu'elle a peut-être... Elle a peut-être pas dû faire, mais c'était quelqu'un d'extrêmement humain, d'extrêmement... Moi, j'avais une admiration éperdue pour cette femme. Et donc, on devait la rencontrer. Je crois que c'était 10h du matin. Et on avait pris une auberge qui était juste avec un mur mitoyen par rapport à sa maison, avec mes élèves. Donc, on devait la rencontrer à 10h du matin. Et à 7h du matin, je réveille les élèves et ils me disent « Christian, on a entendu des coups de feu ». Moi, je leur dis « Écoutez, les petits, là, vous écoutez trop de romans policiers, vous regardez trop à la télé les romans policiers, pas de raison qu'il y ait des coups de feu ici ». Si, si, je te jure, non. Oh, bon, on y va vers 9h, on arrive vers 9h, on frappe à la porte d'Indira Gandhi, de sa maison, et on est les 2 sikhs qui l'avaient probablement assassiné, parce que je pense que c'était ces 2 gardes du corps qui étaient là, qui nous reçoivent et qui nous disent on est un petit peu désolé, mais elle est souffrante. À mon avis, elle était déjà morte depuis 7h du matin et c'était 9h. Vous aviez rendez-vous avec Indira Gandhi le jour de son assassinat. Le jour où elle a été assassinée. Ah oui, non, ça c'est quelque chose d'extraordinaire parce que mes élèves n'ont jamais oublié ça. Ah bah oui. Moi non plus d'ailleurs. Oui. Alors évidemment, c'était pas prévu au voyage et vous s'en seriez bien passé, mais effectivement, ça doit marquer. Alors, il nous a dit revenez à 10h. Ils nous ont dit ça, hein, les sikhs, alors qu'ils savaient très bien qu'ils l'avaient assassinée. Revenez à 10h. À 10h, on est revenu. Nous ont dit non, elle est vraiment souffrante, elle ne pourra pas vous recevoir. Et pour cause, elle était déjà là-haut au ciel. Ouais. Et à 11h du matin, ça a commencé à se dire qu'elle était morte et qu'elle avait été assassinée par ses gardes du corps sikhs. Et là, ça a été la ville à feu et à sang. Ils s'enflammaient, ils se balançaient de l'essence, les sikhs sur les hindous sur les sikhs, c'était terrible. Et moi, j'avais tous les passeports qui étaient à l'ambassade de France à New Delhi, et on devait rentrer 2 jours après. L'ambassade de France a rouvert l'aéroport que pour nous. On a eu un avion pour nous tout seuls, avec une escorte militaire. J'ai ramené tout le monde, évidemment, quand on est arrivé en France. On a eu tous les médias. Ils ont vécu l'histoire au présent. Ils étaient là pendant ce grand jour, etc. Ça a été vraiment un grand moment qui m'a valu les pires ennuis de mon administration. Oui, alors on en revient à cette administration. Alors dites-nous, par exemple, là-dessus, quand vous revenez de ce voyage qui a mal tourné... Mal tourné, mais en même temps... Oui, vous ne pouviez pas le prévoir. On pouvait pas le prévoir et j'ai ramené tout le monde. Tout le monde était... En plus, ils se sont rendus compte qu'ils ont vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Et qu'est-ce qu'on vous a reproché? Alors, vous avez été convoqué au rectorat? J'ai été convoqué au rectorat, donc il m'a dit que d'abord il en avait assez parce qu'on parlait trop de moi dans les journaux. Et ensuite, il m'a dit, de toute façon, à partir de maintenant, j'interdirai tous les voyages à l'étranger, etc. Et donc, effectivement, ils ont énormément vissé les voyages à l'étranger à partir de là. Et bon, c'est vraiment dommage parce qu'en plus, après, il m'a envoyé un inspecteur pour voir si je faisais bien mon travail. Enfin, ça a été... J'ai été la bête noire de l'éducation nationale. C'est-à-dire que ces voyages, ces expériences extraordinaires, vous les avez vraiment fait de bon cœur, mais on vous a pas toujours facilité le travail. Ils avaient peur. pour le faire. Ils avaient peur, quoi. Ils avaient peur de je sais pas quoi, parce que, bon, de toute façon, on prend autant de risques d'emmener ses élèves à Londres que de les emmener au Ladakh, hein, ou en Mongolie. Alors, il s'agissait souvent d'échanges, hein, avec un correspondant qui venait. Alors, c'était 3 semaines, les Français allaient dans le pays du correspondant, et 3 semaines, les correspondants venaient partager. Non, 5 semaines. Cinq semaines. Ah, oh, bah oui, tant que faire. C'était le même prix qu'on les fasse venir pour 5 semaines ou 3 semaines. Comme ça, ils allaient dans plusieurs endroits. Ouais. Et donc, en général, dans 5 lieux différents. Et en général, on les invitait en premier, de manière à ce que les familles françaises, ayant vu le petit correspondant, aient moins peur de laisser partir leur petit français. Alors, les Ladakhis, par exemple. On a cité le Ladakh, là, au nord de l'Inde, hein, on est en altitude. Ça ressemble à quoi, le Ladakh ? Un désert, et puis des oasis. Voilà, il n'y a rien qui pousse. Et puis, simplement, le long des canaux d'irrigation, des peupliers, des choses comme ça. Mais les enfants qui vivent au Ladakh, quel est leur quotidien? Dans quelle maison vivent-ils? Ben, ils vivent dans des maisons en terre, et puis ce sont des enfants d'agriculteurs ou des enfants de bergers. Ça dépend un petit peu. Ben, maintenant, ils vivent beaucoup du tourisme. Et le tourisme est en train de faire des ravages là-bas. Ça devient terrible. Alors, certains des Ladakhis ont été surpris, on l'imagine, de voir comment se passait la vie au quotidien dans les maisons occidentales, et notamment dans nos cuisines. Pourquoi tu cuisines par terre? Quand je suis sur une table, je n'arrive pas à le faire. Quand on prépare les repas au Ladakh, on est toujours assis par terre. C'est pas bien sur la table, il faut mettre les coudes comme ça et c'est pas confortable. Ça me fatigue. Ce qui m'a le plus surprise ici, ce sont les machines à laver la vaisselle. J'avais même pas imaginé que ça puisse exister. Ici, les cuisines sont pleines de machines, c'est bien. C'est plus pratique et plus confortable. Avoir des machines, c'est bien, ça repose le corps. Je suis bien ici, mes parents sont très gentils, mais la culture est si différente. Ils n'ont pas de temple domestique, ni de salle de prière. Ils ne font pas nos prières. Au Ladakh, je fais toujours mes prières avant d'aller à l'école. C'est totalement différent. Une jeune Ladakhi surprise devant les différences culturelles. Ce sont à chaque fois des extraits de vos documentaires et de vos films, hein, Christiane Mordelais, que nous diffusons. Avec ces mots, cette jeune fille met en parallèle notre accumulation de biens matériels, technologiques, et puis notre moins grand attachement à la spiritualité. Ça les a choqués, ces différences culturelles? Tout les a choqués. Alors si on commence par dire ce qui les a choqués, il y en a une sacrée liste. Ouais. Bon, d'abord, le fait qu'il n'y ait pas de grands-parents dans les familles, que les grands-pères et les grands-mères soient dans des maisons de retraite. Ça, alors là, ils ont même pleuré. Ensuite, les familles. Ils ne s'y retrouvaient pas dans les familles. Ils nous disent, mais on n'y comprend rien dans vos familles. On ne sait pas si c'est le vrai père, la vraie mère, si c'est des vrais frères et sœurs. Mais qu'est-ce que c'est ces familles? Decompose family, recompose family, on ne comprend rien. Des fois, il y a 2 papas. On comprend pas tout ça. Et puis, il y en a une, la petite qu'on a entendue. À un moment, je lui dis, et alors, tu voudrais te marier avec un Français? Oh, elle dit, non, surtout pas. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, parce que 6 mois après, il demande le divorce. Ouais. Et puis, il y en a un qui fait la description du, je lui demandais la description d'un bisou français. Alors, il m'a dit, je dirais à un de mes amis qui vient en France, je dirais, faut pas que t'aies peur, hein, parce que quand tu vas arriver en France, la maman, elle va te prendre dans tes bras. Dans ses bras, elle va mettre ses lèvres sur tes joues, c'est mouillé, ça fait un drôle de bruit, mais il faut pas que t'aies peur. Ouais. Ça, c'est des descriptions, ouais. Ça les choque profondément. Parce inversement, les Français ont pu être surpris par certaines traditions. Par le bisou mongol. Ouais, le bisou mongol, c'est quoi? Où on renifle dans le cou. Ouais. Et ça, tu sais, mais pourquoi il me renifle comme ça? Mais c'est pas bien ça, de me renifler. Enfin, les gamins étaient choqués, ouais. Ça. Alors évidemment, c'est très intéressant pour des enfants de confronter comme ça un peu sa culture. Alors, vous parliez de la Mongolie notamment, et là, aussi bien de la part des Français que des jeunes mongols, ils se sont interrogés sur la liberté. Ah, je vous propose d'écouter l'un des enfants mongols à ce sujet. Quand j'étais en France, ce qui m'a manqué, c'est mon cheval, ma steppe immense. En France, j'ai manqué d'espace, car tout est occupé. Ma liberté m'a aussi manqué, Car en France, presque tout est interdit. Les parents disent toujours « Ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Alors que chez nous, en Mongolie, je fais ce que je veux. Les enfants français qui sont allés aussi en Mongolie et notamment dans ce désert de Gobi, est-ce qu'ils trouvaient que la vie était plus libre là-bas ? Oui. Ça, cette notion de liberté, que ce soit en Mongolie, que ce soit au Ladakh, que ce soit au Groenland. Groenland aussi, une gamine qui me disait, mais ils font ce qu'ils veulent. Ils ont envie de partir chasser, ils partent chasser. Ils vont pas à l'école ce jour-là, tant pis. Et en Mongolie, pareil, ils ont été frappés par cette liberté et le fait que les parents disent jamais « fais attention ». Et la petite Célia qu'on a entendue au début, elle dit « mais moi, mes parents, si mes parents ils étaient venus, ils m'auraient dit « fais attention, fais pas ci, fais pas ça, faut que tu te laves ». Que là, je faisais comme j'en avais envie. Et cette notion de liberté, nos gamins français, ils en souffrent finalement parce que les parents les privent de liberté, du coup les privent d'autonomie. Les privent de créer, les privent de plein de choses. Mmh. Et ça fait un système d'éducation qui est complètement aux antipodes de ces modes d'éducation, de ces familles nomades, où l'enfant, il est lui-même... Il découvre tout avec son propre corps, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que... dans les deux sens, ils le sentent, vraiment. Et ça fait des valeurs, ça fait des... Nous, on est dans une société hyper sécurisée. Et les mots, à chaque fois, quand je dis quels sont les mots que vous avez le plus entendus dans notre langue française, ils disent « fais attention ». Et dépêche-toi. Le dépêche-toi aussi, hein, quand même. Ouais. Il est là, le dépêche-toi. Et fais attention tout le temps, quoi. Ouais. Pour vous, c'est intéressant, en tant qu'enseignante, d'avoir pu voir d'autres modes d'éducation, d'autres façons de concevoir la façon de responsabiliser un enfant, par exemple, justement en lui laissant une plus grande part de liberté, mais une liberté qui va aussi avec des responsabilités. Ah ben parce voilà. Que c'est ce qui frappe dans vos films, notamment, c'est que ces jeunes enfants, ils ont souvent à charge des travaux pour la maison, des responsabilités importantes. Hein. Des responsabilités énormes. Je vois Stanzine, avec qui je travaille maintenant, mon co-réalisateur. Donc ça, c'est au Ladakh. C'était au Ladakh. Ben, à 5 ans, il était responsable du troupeau de chèvres et du troupeau d'yak familial. Et donc, il fallait qu'il s'en occupe à 5 ans. Les parents leur disent, tu vas garder les bêtes dans la montagne. Il s'est cassé la jambe. Et ben, il a trouvé un bout de bois pour remettre la jambe avec une fracture ouverte. Il me disait, il y avait plein de sang partout. Il a trouvé une branche d'arbre pour redescendre au village. Mmh. Et puis, c'est tout. De toute façon, il n'y avait pas le choix. Mmh. Et donc ça les responsabilise. En même temps, il y a une fierté parce que ce soit un gamin en Mongolie, si par exemple là ce qu'on est en train de faire avec les petites gamines mongoles, quand une gamine de 10 ans, elle a derrière elle un chameau qui fait 2,80 m de haut et qui lui obéit au doigt et à l'œil, ou un petit gamin du Ladakh avec un yak qui fait 200 kilos et qui lui obéit au doigt et à l'œil, eh ben je peux vous dire que ça donne une fierté. Et du coup, c'est des gosses qui sont construits dans la fierté. Ils sont heureux. Nous allons voir ce que les tournages de vos films vous ont appris sur ces cultures. Le temps d'un bivouac avec la professeure de sciences physiques devenue réalisatrice, Christiane Mordelais, sur France Inter. My boyfriend doesn't know how to live without his coffee in the morning. I promise him to make his coffee. Dishes and the laundry before I make his morning coffee. It's only because I was taught never to leave things lying around and doing something in the kitchen. Coffee in the evening. I on the couch. My Coffee Boy, c'était Niamh Nielsen and the Dear Children sur France Inter, le temps d'un bivouac. Ici, ma meilleure amie, qui est pour moi comme mon père, ma mère, mes frères ou mes sœurs, c'est ma radio. Quand la radio ne marche pas, je me sens vide, comme si j'avais perdu quelqu'un. La radio, c'est aussi utile d'une autre façon. Par exemple, si un animal sauvage arrive, je mets la radio très très fort. Et je vois le léopard qui hésite, car il croit qu'il y a beaucoup de monde. Je les ai vraiment vus hésiter. Extrait de votre film La bergère des glaces, Christiane Mordelais, dans lequel vous rendez compte de la vie des bergers au Ladakh. Je rappelle que ça se situe en altitude au nord de l'Inde. Nous partageons ce point commun avec cette bergère, d'aimer profondément la radio. Sauf qu'elle, ça lui sert d'instrument de survie. Hein. Oui, c'est un très beau passage que vous avez choisi là. Ouais. C'est vrai que cette petite bonne femme sans sa radio, moi j'étais ahuri de voir, en plus elle a un poste de radio français, un poste Philips, enfin ça doit être vendu en Inde, et de voir que, alors elle chauffe ses piles pour essayer de capter, elle arrive à capter des petits bouts d'ondes. C'est incroyable. Quoi. Avec ce film, vous vouliez montrer la rudesse de ces hommes et de ces femmes bergers au Ladakh. Bergers du Cachemire. C'est un métier difficile. Oh, c'est terrible parce que pour avoir du bon Cachemire, il faut moins 40 degrés, plus 5000 mètres d'altitude. En Mongolie, ils ont bien les moins 40, mais ils ont que 2000 mètres. Et plus on monte en altitude, plus la laine est fine, plus elle est chaude. Et donc eux, ils disent des pashminas. C'est vraiment le top niveau de la laine Cachemire. Et il faut. Le problème, c'est que les chèvres font cette laine, mais les bergers font pas la laine Cachemire sur leur dos. Donc eux, ils sont obligés de vivre aussi à 5000 mètres par moins 40, sous des tentes. Mmh. Et donc, quand moi j'ai vu ça, que Stanzine m'avait présenté sa sœur, j'ai dit, écoute, faut vraiment qu'on montre comment ces femmes et ces hommes vivent pour que nous, en Europe, on ait des pulls qui vont coûter 300 ou 400 euros pièce en Cachemire et qu'eux, ils sont payés 8 euros le kilo. Mmh. Et je trouvais que c'était vraiment un tel océan entre les deux. Enfin, c'était inimaginable que vraiment je voulais montrer cette vie très rude. Et donc, ce film, il a eu 12 grands prix internationaux grâce auxquels on a pu construire à l'heure actuelle, 12 bergeries en dur. Les fameuses bergeries dont vous nous parliez en début d'émission. Voilà. Et dont oui. Vous vous êtes rendu compte qu'il fallait enlever les fenêtres parce que sinon ils n'entendaient plus les animaux sauvages autour. Alors après, ils nous ont dit, maintenant les sous que tu gagnes dans les festivals, tu nous les donnes et nous, on va faire nos bergeries. Et c'est donc les gens du village qui ont fait leur propre bergerie. Ouais. À l'heure actuelle, il y en a 12 de fait. C'est une leçon d'humilité, comme cette idée qu'on peut être plein de bonnes intentions, mais c'est quand même eux qui savent ce dont ils ont besoin pour s'en sortir et pour s'aider. Ça, c'est très fort parce que je trouve qu'un peu partout, on arrive avec soi-disant nos bonnes idées et je me rends compte que dans tous ces pays-là, les gens sont extrêmement intelligents et ils ont résolu leurs propres problèmes et ils savent très bien vivre dans leur pays et finalement, qu'est-ce qu'on va y faire, quoi. On peut les aider en leur donnant un peu d'argent, peut-être, pour monter. Éventuellement. Vous faites, en tout cas, grâce au film que vous avez fait. Et puis les faire venir, parce que Tsering, on l'a fait venir en France. Ouais. Alors ça a été un grand moment. Ouais. Parce que, comme tous les nomades, que ce soit les nomades du Groenland ou de la Mongolie, les nomades, c'est des gens, vous les mettez n'importe où, tout de suite, ils sont à l'aise. Parce que c'est des gens, tout de suite, ils ont regardé autour d'eux qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, et tout de suite, ils savent faire. Mmh. Et ça, c'est fabuleux, la différence entre les nomades et les sédentaires. Ouais. La capacité d'adaptation, d'observation. Incroyable. Alors, ce savoir-faire est en train de se perdre. Notamment, vous l'avez observé pour ces bergers et ces bergères. Voici les mots d'une de ces femmes bergères que vous avez rencontrées. Dans ces vallées vides, je suis seule, femme et bergère. Mais si tu as la volonté, tu peux le faire. Tu vois toutes ces arêtes à serrer. Si tu concentres ton énergie dans ton cœur et ta tête, tu peux y aller. Même un berger peut y aller. Ici, tu dois tout apprendre par toi-même car il n'y a personne qui peut te guider. Maintenant, plus personne ne veut faire ce métier. Les gens sont si fragiles maintenant. C'est très difficile. Par exemple, dans ma famille, si je ne pouvais plus faire ce métier, qui le ferait? Toutes les familles ont le même problème. C'est comme ça dans tout le Ladakh. Plus personne ne sera berger, alors? Christiane Mordelet, les connaissances et les savoir-faire de ces bergers sont en train de se perdre? Tout à fait. Et là, je me sens une espèce de responsabilité étonnante, mais en tant qu'enseignante, je me dis qu'on a tout faux dans l'enseignement. Et des fois, j'en arrive à me dire, parce que c'est l'éducation qui fait que c'est... Il n'y aura plus de berger dans 10-15 ans, il n'y aura plus un seul berger dans ces régions. Parce que ces enfants familles sont scolarisés, ils vont à l'école et qu'à l'école... Ils sont brillants, ils font tous des études supérieures. Les quatre nièces de mon co-réalisateur Stanzin, et c'est-à-dire les quatre filles de son frère, elles font toutes des études supérieures, elles sont brillantes. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles ne veulent pas être bergères, elles ne veulent pas revenir au pays. Et tous les Ladakhis, ils ont 99% de réussite au baccalauréat. L'éducation est un ascenseur, c'est même pas un ascenseur, c'est une fusée sociale. Mais résultats... On ne peut pas le regretter pour autant. Ben, alors, est-ce qu'il faut leur souhaiter de ne pas avoir accès à cette éducation? Et ben moi, je ne sais pas quoi répondre à ça. Parce que du coup, le pays va disparaître. Parce que s'il n'y a plus de bergers, il n'y a plus d'agriculteurs, puisqu'il n'y aura plus d'engrais. S'il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y a plus de villages. S'il n'y a plus de villages, il n'y aura plus rien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et tout le monde va arriver dans les villes, tout le monde va être dans les banlieues de Delhi, Bombay, Calcutta. Et puis voilà, la planète, qu'est-ce qu'elle va devenir? Peut-être qu'il faut intégrer ce savoir-faire et cette formation à l'éducation, mais ne pas opposer les deux. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Sona Manchu, qui travaille avec le SECMOL, enfin, qui a fondé le SECMOL, qui essaye de faire une université alternative au Ladakh. J'aimerais bien qu'il y arrive parce que il faut vraiment qu'il y ait un mouvement pour que on réhabilite les anciens savoirs. Les anciens, ils étaient pas idiots, ils savaient tout faire. Christiane Mordelet, on arrive bientôt à la fin de cette rencontre. Je voudrais vous dire que l'appel qu'on a lancé en début d'émission en disant si vous avez voyagé, si vous faites partie de ces milliers et ce millier d'élèves que Christiane Mordelet a fait voyager, envoyez-nous un message. Alors on a reçu quelques mails, notamment Margot qui nous dit « Je suis contente de vous entendre, Christiane. Mon dernier voyage, 16 ans après la classe de 4e au collège Jean Rostand, était au Ladakh. » pour retrouver Jimé Nordzom, ma correspondante. Merveilleux voyage et superbe rencontre avec sa famille et son environnement. Bonne continuation, vous dit Margot. Et puis Corinne qui vous dit « Mon fils est allé au Ladakh avec Christiane et c'était une très belle expérience pour lui. Il s'appelle Robin et il était parti avec les enfants de la Grave. » On sent que pour les familles, pas seulement pour les enfants qui sont partis, pour les familles, vous leur avez offert une expérience. Oui. Plusieurs années, voire dizaines d'années après, ils s'en souviennent. Tout à fait. Et là, j'ai encore revu une maman qui m'a dit, les deux années pour lesquelles on a travaillé sur le Groenland, là, c'était dimanche dernier, elle me dit, ça a été les deux plus belles années de ma vie. J'en étais tout émue, avec les larmes aux yeux, parce que j'avais envie de lui dire, mais il y a eu d'autres belles années de ta vie. Et elle dit, non, ça a été des années, on a travaillé comme des fous, parce qu'il fallait trouver les financements, etc. Et néanmoins, c'était les deux plus belles années de sa vie. Quoi. Ouais. Alors aujourd'hui, vous n'êtes plus enseignante, vous êtes réalisatrice. Est-ce que c'est plus difficile de monter des voyages pour faire des films, financer vos films, qui sont parfois diffusés sur Arte? Grandir au Ladakh a été diffusé il y a quelques mois sur Arte, que de faire des voyages scolaires? C'est pas du tout la même chose. Disons qu'avec les voyages scolaires, il y avait toujours les parents d'élèves qui étaient derrière. Donc, il y avait un peu une aide avec les parents d'élèves. On arrivait à trouver, puis faire voyager des enfants. On trouve des gens. qui sont sensibles à ça. Faire des films, il y a beaucoup moins de gens qui sont sensibles à ça. Alors, en 10 secondes, votre prochain projet de film, et si ça peut intéresser des gens, si on peut vous filer ce coup de main-là, Christiane Mordelais. Ben, on cherche désespérément une diffusion pour nos prochains films, Grandir en Mongolie, Le Rat des Dunes, Le Rat des Villes, Bakula Rinpoche, un ambassadeur hors du commun que j'ai eu la chance de connaître. Donc, il y a au moins 4-5 films qui sont en attente. Un film aussi sur les gravures rupestres au Ladakh. Enfin, tout ça, c'est en attente. Ça ne demande que des diffuseurs. Eh bien, écoutez, si jamais des diffuseurs nous écoutent et nous envoient leur message, on se fera un plaisir de transmettre. Merci à vous, Christiane Mordelais. Merci. Restez avec nous dans un instant. Éric Birloez nous emmène sur les routes d'un nouvel aliment qui a parcouru du chemin avant d'arriver sur nos tables. Also terrified, beyond quantified, over secluded and way over guarded. Also idealized, over romanticized. So much to look at and so much to see. Can't wait to see you to get rid of me. Can I be on both sides? Will we ever collide? Empty, my flesh is sold. History drained, my heart pained. Hands get dirty every time I touch gold. Ever secluded and way over guarded. Also idealized, over romanticized. So much to look at and so much to see. Can't wait to see you to get rid of me. Can I be on both sides? Will we ever collide? We'll wait for the crash, we'll never go back. I see you, I feel you, the perfect collapse. Can I be on both sides? C'était Both Sides, Jeanne Haddad sur France Inter. La programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Thierry Dupin. Regardez, des ignames, des papayes, des taros. Mais cette île est un jardin d'une richesse vraiment incroyable. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de tubercule, je ne peux rien dire avant de l'avoir cultivée. Et qu'est-ce que vous dit cette carotte? Oh, c'est surprenant. Bonjour Éric Birloez. Bonjour Daniel. Vous êtes ingénieur agronome et sociologue de l'alimentation et chaque semaine, vous nous emmenez sur les routes d'un aliment qui a voyagé pour arriver dans nos assiettes. Au menu aujourd'hui. Eh bien, au menu, mon aliment voyageur du jour, eh bien, vous le trouvez en ce moment sur tous les étals. C'est un petit fruit rond à la peau duveteuse, teinté de rouge et d'orange, une promesse de chair gorgée de sucre et de soleil. Alors, l'aspect extérieur de nos abricots, c'est d'eux qu'il s'agit, bien sûr, est très flatteur. En tout cas, beaucoup plus que la description qu'en faisait Émile Zola dans son roman « Le ventre de Paris ». Je cite Zola, une ivrognesse affreuse n'étalée que des abricots cadavéreux d'un jaune infâme de sorcière. Ah oui, alors heureusement, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir de beaux abricots orangés. Oui, mais attention, il faut pas se fier aux apparences. Cette jolie couleur est trompeuse, car elle peut laisser croire que le fruit est mûr, alors que c'est pas forcément le cas. Mmh. En effet, une fois cueilli, l'abricot cesse de mûrir, à la différence d'autres fruits. L'idéal, donc, c'est qu'il soit récolté à maturité. Mais alors, il est très fragile et doit être mangé rapidement. Petit conseil au passage, comme pour les tomates, ne les rangez pas, vos abricots, dans le frigo, car cela altère leurs arômes. Ah ben, merci du conseil. Et alors, revenons aux origines de l'abricot, Éric. Eh bien, d'abord, l'origine du mot lui-même, abricot. Alors, selon Jean Pruvot, que vous receviez il n'y a pas si longtemps. Il y a quelques heures, même pas, quelques voilà, minutes il y a à peine. Une heure. Eh bien, ce mot abricot vient probablement de l'espagnol albaricoque, lui-même issu de l'arabe albarcouc, qui viendrait du grec précoquion, à moins que ce ne soit du latin précoquum, tous ces mots signifiant fruits précoces. On le voit, l'histoire des mots est parfois aussi longue que celle des aliments qu'ils désignent. Et alors son nom scientifique, quel est-il ? Prunus armeniaca, prunier arménien. Mais attention, l'Arménie n'est pas du tout le berceau de l'abricotier sauvage. Celui-ci est apparu non pas dans les montagnes du Ladakh, mais pas très loin, au nord de la Chine, où sa culture a débuté il y a 4000 à 5000 ans. Alors vous le saviez peut-être pas Daniel, mais l'abricotier est un arbre qui est très patient. Il a attendu plus de 2000 ans avant de s'élancer à la conquête de l'Ouest en empruntant la fameuse route de la soie. L'abricotier ne serait arrivé en Iran qu'au 2e ou 1er siècle avant Jésus-Christ. De là, il aurait poursuivi sa route vers l'Arménie et il serait parvenu à Rome aux alentours de l'an 50. Et en France, alors quand arrive-t-il ? Beaucoup plus tard. Pendant tout le Moyen-Âge, l'abricotier ne s'éloigne pas des rives de la Méditerranée où les Arabes l'ont implanté. C'est un quasi inconnu en France jusqu'au XVIe siècle. Et sous quelle forme le mange-t-on ? Eh bien, quand il arrive sur les tables de nos ancêtres, et pendant plus de 2 siècles, ce sera presque uniquement sous la forme de confitures et de compotes. Mais au XIXe siècle, révolution, on utilise l'abricot dans toutes sortes de pâtisseries, de desserts, de confiseries. D'ailleurs, Alexandre Dumas, qui était aussi un auteur culinaire, fait l'éloge de l'abricot dans son grand dictionnaire de cuisine. Au moyen de cet excellent fruit, c'est l'auteur des Trois Mousquetaires qui parle, on parfume délicieusement des flans, des glaces, on fait d'excellents gâteaux, des beignets, des tourtes, des crèmes, des compotes et des confitures, sans oublier les pâtes de fruits. Du début du 19e au milieu du 20e siècle, une région française, l'Auvergne, était très réputée pour sa pâte d'abricot blanc cultivée localement, qui était exportée jusqu'en Amérique et en Russie. En dehors de la pâtisserie, a-t-on utilisé l'abricot en cuisine ? Dans des plats salés ? Eh bien, les Français utilisent très peu l'abricot en cuisine, à la différence des Marocains ou des Iraniens, par exemple, qui, eux, l'incorporent sous forme d'abricot frais dans des plats de viande, d'agneau notamment. Vous pouvez penser, bien sûr, aux tagines marocaines. L'abricot se marie très bien également avec des poissons fumés, du porc ou du canard, du foie gras ou simplement coupé en petits dés avec une salade de mâche ou d'épinards. Et pour conserver les abricots, on fait des confitures ? Bien sûr, mais dans les pays arabes et en Asie centrale, on les transforme depuis des siècles en abricots secs pour avoir une réserve de nourriture pour l'hiver. Au Moyen-Orient, on faisait également des abricots confits. En Chine, berceau des abricots, on les fume ou on les sale. Et à ce propos, les Chinois cultivent certaines variétés particulières d'abricots pour l'amande contenue dans leur noyau. Ils en extraient une huile qu'ils utilisent en cuisine. Chez nous, l'huile d'abricot a plutôt un usage cosmétique pour avoir une peau douce, un teint éclatant, un teint de pêche grâce à l'abricot. Et Christiane Mordelet confirme, apparemment elle connaît bien la crème à base d'abricot. Et l'abricot a en plus des vertus nutritionnel ? Oui, absolument. Rappelons qu'il doit sa couleur orangée à sa teneur élevée en bêta-carotène, une molécule qui, dans notre organisme, se transforme en précieuse vitamine A. Deux gros abricots fournissent à eux seuls plus du tiers des apports journaliers recommandés en vitamine A. Et qui sont les principaux pays producteurs d'abricots aujourd'hui ? Eh bien, en 2017, le numéro 1 était la Turquie, qui avait fourni un abricot sur 4, 23% de la production mondiale. Venait ensuite l'Ouzbékistan, 13%, et puis l'Italie, l'Algérie et l'Iran, 6% chacun. La France, avec 4% de la récolte mondiale, occupée, c'est pas si mal, le 8e rang du classement. Rapidement, la recette, Eric, aujourd'hui, à base d'abricots ? Oui, une recette historique, celle des abricots à la Condé, une recette créée au milieu du 19e siècle. Alors, vous aurez la recette détaillée sur le site de l'émission, je vous en donne quand même les grandes lignes. Oui. Vous préparez un bon riz au lait vanillé, lorsqu'il est cuit, vous y mélangez pour qu'il soit plus onctueux, 2 jaunes d'œufs et un peu de beurre et vous laissez refroidir. Pendant ce temps, vous séparez les abricots en 2 oreillons, c'est-à-dire en 2 moitiés, vous les faites pocher dans un sirop de sucre, vous les égouttez, vous disposez un fond de riz au lait vanillé dans des coupes individuelles, vous placez par-dessus, artistiquement, les demi-abricots, vous arrosez avec le sirop dans lequel ils ont cuit et vous décorez. De fruits confits. Merci Eric Birloez, on met la recette sur la page de l'émission. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Que mangeaient nos ancêtres de la préhistoire à la Première Guerre mondiale, aux éditions Ouest France. À la semaine prochaine. Dans chaque départ, il y a un retour. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Dans chaque retour, il y a un départ aussi. Demain à 16h, nous nous intéresserons aux évolutions du paysage dans les Alpes et à 17h, nous prendrons le temps d'admirer d'autres paysages de France en empruntant les petites lignes ferroviaires. À demain donc pour de nouvelles aventures. Puis après le journal, vous avez rendez-vous avec Anna Sigalevitch pour un nouveau Mac de l'été. Bonjour Anna. Bonjour Daniel. Vous nous emmenez où vous ? Alors, il serait question de couleurs aussi, hein, d'oranger, pas l'abricot d'Éric Birloez, mais plein d'autres couleurs parce qu'on va parler de peinture dans le Mac de l'été. Ah, de peinture, couleur abricot. On va écouter ça tout de suite, Anna.